la queue, le. Salut les amis. La queue, le. Salut les amis. Non, mais je veux des règles. Enfin, on ne commence pas un lundi en faisant la chenille. Ah, c'est mardi la chenille, alors plutôt. Ah, mais plutôt jamais. Non, mais vous savez ce qui manque dans ce bureau. Ah oui, des chips. Non, ah, oui. De l'auto. De tamponneuse. De l'autorité. Ah, bon. Voilà. Oui, parce que sinon c'est la chienlit. Hein. Bon, on choisit les sujets alors. Bah, moi j'ai déjà choisi le sujet. Hein. Ah, bah, très bon sujet, Charline. C'est très bien. Enfin, je te l'ai pas encore donné. Oui, non, mais ça va être bien, je le sens. Ah, c'est ouais. Quoi bah, c'est la querelle entre Sarkozy et Valls sur l'autorité de l'État. Ah, voilà, je le savais. Bon. Très bon sujet, excellent. Et c'est quoi la différence de conception entre les deux? Sarkozy, il trouve que c'est très important l'autorité de l'État, surtout si c'est lui qui s'en occupe. Et Valls ah, alors lui, Valls, il trouve plutôt que c'est très important l'autorité de l'État, surtout si c'est lui qui s'en occupe. Et toi, ton rapport à l'autorité, alors je... C'est ah bah, moi, rien à voir, moi je trouve que c'est très important l'autorité dans ce bureau, surtout si c'est moi qui m'en occupe. Ah oui, donc plutôt entre les deux. Oui, voilà. Moi, l'autorité, c'est la règle, l'État de droit, l'ordre républicain, l'indépendance de la justice. Attends, et d'ailleurs, je prendrai mes responsabilités... Ah, se prend pour Valls, a priori. Ou Sarkozy. Comme ça, et je déclare solennellement par décret que les chenilles sont interdites le lundi. Sous peine, attention, que le conducteur de chenilles suspensionné aille chercher le petit déjeuner pour tout le avec effet rétroactif. Oh non, en fait, elle est vachement plus sarkozyste. Hein. Et pourquoi? Bah, elle s'arrange avec la justice. Ouais. Et tout ça avec un 49-3, allez hop. Ah oui, non, en fait, il y a du Valls aussi. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui contourne les lois de l'information. Et voici les trois actualités qui vont faire du hors-piste jusqu'à 18h. Il en a sous la semelle, le Macron. Il lance une nouvelle réforme. Au nom du droit à prendre des risques, il veut encourager la création d'entreprises individuelles. Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Help ! L'autorité de l'État est au cœur d'une guerre des chefs entre Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. C'est à qui incarne le plus l'autorité, le petit nerveux ou l'autre petit nerveux? Je suis la loi, je vous arrête! La loi, c'est moi! TF1 n'a pas encore racheté Plus belle la vie, mais elle fait déjà son petit marché parmi les acteurs de la série. Et oui, c'est tout l'art de la guerre, il faut déshabiller l'ennemi, même dans l'art si fin et délicat de la série télévisée. N'y a-t-il rien de plus beau au monde que de sauver des vies humaines? C'est ma vocation. Ma vie entière est ici. Quel beau métier. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui a séduit Véronique à la machine à café, mais il ignore encore que Véronique travaille à la compta et qu'elle l'a vu avec Sophie de la DRH et qu'elle peut encore bloquer sa paie à la fin du mois. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Mais oui, c'est Plus belle la vie à France Inter, c'est comme ça. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe. À 17h20, on parlera musique avec celle qui, qu'elle le veuille ou non, a un gros point commun avec Pascal Sevran. Tous les deux citent des noms de chanteurs qu'on ne connaît pas. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va reprendre la base. Je vais vous apprendre un instrument. Ah. Hein, il est tout petit, ça s'appelle un ukulélé. Ouh, je vois même ce que c'est. Beaucoup d'espoir pour cette chronique. À 17h30, lui aussi a un point commun avec Pascal Sevran. Ah. Il tend son micro à n'importe qui. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour, bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'événement Video City qui avait lieu ce week-end à Paris. Toutes les stars des vidéos internet étaient là pour la plus grande joie des adolescents et de leurs parents. Ah bah déjà, on a attendu 1h30 dehors pour entrer, et puis là, bah ça va faire quand même 4h qu'on est assis par terre. Ouais, essentiellement la joie des adolescents quand même. Plutôt. Et à 17h40, lui, je ne lui ai pas trouvé de points communs avec Pascal Sevran. En même temps, je me dis qu'il s'en plaindra pas. Du il tout. Aimerait plutôt avoir des points communs avec Mathieu Valbuena. C'est clair. C'est notre sportif, c'est Samir Bouadi. Bah oui, bah je vais en parler de Mathieu Valbuena, un grand joueur de foot de petite taille. De René Girard aussi, un philosophe qui nous a quitté le 4 novembre à l'âge de 91 ans. Tout ça n'a aucun rapport, mais vous allez voir que peut-être on peut y arriver. Vous allez voir, je vais tenter un truc. Nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission. Vous êtes né sous René Coty, ça c'est pour vous mettre à l'aise. Vous débutez au Petit Théâtre de Bouvard en 85, c'est l'année du premier Tournée Manège sur TF1. Vous recevez le prix de l'humour noir en 2007 quand Nicolas et Cécilia se séparent. Ça ne se promet jamais. Vous écrivez, mettez en scène et jouez Mon beau-père est une princesse en 2013, quand c'est déjà la quille pour Benoît XVI qui manifestement avait déjà toutes ses annuités. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes Didier Bénureau. Oui. Bienvenue sur France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Didier Bénureau, avec ses cochons au Théâtre du Rond-Point à partir de demain, 10 novembre. Vous êtes au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 6 décembre. Didier Benureau, donc Didier Benureau et des cochons. Et les cochons dans l'espace. Et les cochons dans l'espace, qui est le groupe de rock. Oui, il s'appelle les cochons dans l'espace. C'est un groupe de rock. Groupe de rock qu'il y a sur scène avec vous, parce que vous dites que le rock convient à votre style d'humour. Il y a donc une musicalité de l'humour. Et quelle est la vôtre ? Moi, dans tous mes spectacles, il y a des chansons, souvent idiotes, pratiquement tout le temps. Ce sont des personnages qui chantent, je joue pas les chanteurs. C'est toujours soit un enfant, soit un pédophile, soit un prêtre. Un militaire. Un prêtre, un évêque belge. Quand vous dites un prêtre, un pédophile, non, c'est le personnage différent. Non, ça c'est très malvenu pour moi qui ai été enfant de cœur. C'est très malvenu. Non, c'est deux personnages différents. Il y a un évêque belge, il y a un évêque de Bruxelles. Vous tenez l'accent. Qui est travesti. Ah, oui, c'est ça. Qui est travesti. Donc, il y a différents personnages qui chantent et je trouve effectivement, au départ, je suis parti sur un best-of et puis après j'ai mis des nouveaux sketchs. Et j'ai tout de suite pensé à ce groupe que je connaissais et qui faisait non seulement de la musique, mais qui faisait les clowns sur scène, qui déconnaient. Et je trouve que l'esprit et le rock, convient bien à l'énergie des sketchs. Je trouvais que ça collait, mais c'était un pari. Je n'étais pas sûr du tout que ça marche. C'est dans ce sens-là que vous avez bossé, c'est-à-dire que vous avez vu l'énergie des sketchs, vous avez dit tiens, ça serait bien de pimenter ça avec un groupe de rock, ou alors l'écriture part de l'inverse, de dire ils seront là, je me démerde pour les intégrer. Non, c'est les deux, parce que en fait musicalement je m'aperçois que les petites musiques que j'ai, les mélodies que j'ai inventées avec un groupe qui joue très bien, ça rend très très agréable. Et puis alors j'ai l'impression qu'il me pousse. Et j'ai les sensations d'un chanteur sur scène, bien qu'en fait, je ne joue pas les chanteurs. Je dis bien ça parce que je me prends pas du tout. J'ai le droit de chanter mal, quoi. C'est ça qui est vachement bien. Mais si Nagui vous propose Taratata, vous y allez. Ça m'étonnerait qu'il me propose ça. C'était pas la mais question. Peut-être, mais peut-être j'irai pour chanter mal. Mais il y a une énergie dans cette. L'impression d'être un chanteur avec un groupe derrière qui joue comme ça, c'est. C'est extrêmement. J'ai envie de sauter sur scène. J'ai envie de. Je ne sais pas. C'est une énergie nouvelle. Sur l'affiche, vous sautez. Hein, c'est exact. Oui. Oui. Avec l'illustration de Stéphane Trappier qui, pour le rond-point, qui illustre plein de belles choses. Ouais. Ouais. Alors, je confirme. L'un de. L'ironie. Oui. Non, ce qui illustre le livre de Charline Van Wanaker. Et de Samir Boisdi. Et ben voilà. Dictionnaire des cons. Et autres jeunes. Voilà. Merci. L'un de vos personnages, Didier Benureau, est violeur d'humoriste. Donc là, il y a une certaine énergie. Ah, je me souviens pas de ça. Il n'y a pas un cousin de campagne qui agresse un humoriste célèbre. Ah si, c'est vrai. Oui, il y a un cousin. Là, il y a une énergie, là. Il y a une énergie, c'est vrai. C'est un cousin qui est de la campagne et qui est très jaloux de la vedette parisienne. Alors, il le critique, il le bouscule, il trouve qu'il est, s'il a un joli pull en alpaga, il trouve que ça, c'est pas possible, c'est pour l'humilier. Enfin, tout ce qu'il a, il considère que tout, sa belle bagnole, son pull, son pull et puis il l'a vu à la télé avec une mannequin africaine, et tout ça, ça passe pas, quoi. Et plus ça va, plus il s'énerve, plus il le bouscule, et il dit, bah, moi, c'est sûr. Et puis alors, il est là à la télé à nous faire la leçon, là, que ça vote à gauche, hein! Et ben nous on va le Front National. Ah. Il y a sa femme qui est totalement carrée. Il dit, et moi ma femme j'échangerais bien moi pour faire de l'humanitaire, j'en ferais bien avec ma. J'échangerais bien ma femme contre Amina, la mannequin. Hein, et le cousin il en voudrait pas de ma femme. Hein, et ben pourquoi qu'il en voudrait pas de ma femme? Il va y aller. Nicole est-il prête? Est-il prête la Nicole? Alors Nicole retrousse ses jupes et l'autre force le cousin à baiser la Nicole. Et quand il le voit à quatre pattes sur la Nicole. Eh ben, il défait lui-même son pantalon et il dit, tiens, moi aussi, je me ferais bien une vedette. Et il sodomise le cousin. Voilà, 17h16 sur France Inter. Un spectacle familial. Oui, au Théâtre du Rond-Point. À partir de demain jusqu'au 6 décembre, Didier Benureau et des cochons avec un groupe de rock, parce qu'on sent l'énergie. Là, on a senti toute l'énergie, Didier Benureau. Mais c'est rien, ça c'est le plus gentil. Côté clash. Ah bah oui. Sur France Inter, un petit peu de Roy Orbison par exemple, Pretty Woman. Ouais, le rock. Et ça va, comme ça on va se remettre avec Didier Benureau jusqu'à 18h. Il a tout annulé pour nous. Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman, Oui, merci Roy Orbison, je prends un peu pour moi. Vous êtes sur France Inter jusqu'à 18h. Nous sommes en compagnie de Didier Benureau, que vous pouvez voir à partir de demain soir au Théâtre du Rond-Point. C'était un peu pour vous, mais c'était aussi un petit peu pour Mélanie Bauer qui est à côté de nous. Il y a aussi Samir Bouadi et Guillaume Meurice qui a été avec les petits jeunes. Oui, et les youtubeurs, exactement. Eh bien, place à l'information subjective. De qualité. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Najat Vallaud-Belkacem a été victime d'une tribune sexiste du magazine Le Point, mentionnant qu'on distinguait une partie de ses sous-vêtements. En échange, je tiens à lui apporter mon soutien. Jean-Paul Huchon envisage de devenir consultant rock, rock'n'roll, oui, pour une grande radio. Jean-Pierre Raffarin hésite à porter plainte pour plagiat. Et enfin, des brèves et des pas mûres. Et on commence par l'information du jour. Mais oui, le président de la Ligue de protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, était en campagne contre le braconnage des pinsons dans les Landes quand un braconnier est sorti de chez lui en sous-vêtements pour l'agresser à coups de pelle. Et le braconnier était en slip. Comme ça, il y avait au moins un petit oiseau de protégé. Passons à la politique. C'est mignon quand vous dites petit oiseau. Un essayiste. Et c'est excitant à la fois. Qu'est-ce que vous faites après 18h, Alex ? Dans Le Point, une tribune très sexiste envers Najat Vallaud-Belkacem. Elle a laissé entre voir une bretelle de soutien-gorge à l'Assemblée. L'auteur la soupçonne d'utiliser de vieux arguments. Pour une fois qu'il y avait du monde au balcon de l'Assemblée. Après le slip du braconnier, le soutif de la ministre, il reste un créneau aux syndicalistes pour faire le buzz en porte-jartel. Dépêchez-vous. Jean-Paul Huchon, oui. L'actuel président du Conseil régional d'Île-de-France, prépare sa reconversion. Oui, et c'est pas une blague. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, il dit, pourquoi pas, ouvrez les guillemets, animer une émission de rock. On m'en a déjà parlé, y compris des grandes radios. Fermez les guillemets. Mais qui peut bien proposer à Jean-Paul Huchon d'animer une émission rock, franchement. Eh ben, c'est ce qu'on a voulu savoir et on a envoyé Guillaume Meurice interviewer Didier Varro, le directeur de la musique sur France Inter. Alors Didier Varro, vous avez un scoop pour nous. Cette émission de rock présentée par Jean-Paul Huchon, sur quelle radio aura-t-elle lieu ? Elle ne peut avoir lieu que sur France Inter, puisque en matière de musique, on veut rester avant-gardiste, donc je crois sincèrement qu'on ne pouvait pas passer à côté. Très bien, alors racontez-nous la genèse du projet. Bah, c'est parti quand même d'une idée à moi, je tiens à revendiquer quand même la paternité de cette idée. J'ai vu Jean-Paul Huchon comme chaque année au Festival Rock en Seine, puis à la télé. Et je me suis dit, ouais, lui, ça doit être un sacré rocker. En plus, on a eu quelques discussions autour de Johnny Hallyday. Et vraiment, j'avais cette idée depuis longtemps. Et là, bon, voilà, je lui ai proposé cette émission qui a quand même un titre assez fort, Rock and Jean-Paul. Ah oui, Rock and Jean-Paul. Et il accepte tout de suite ? Oui, il m'a dit, alors évidemment, si Van Hanecker parle d'actu sur France Inter, moi, je peux bien parler de rock'n'roll, franchement. Bien sûr, c'est logique, c'est logique. Et l'émission devrait être diffusée sur quel créneau ? Alors écoutez, normalement, Emmanuel Perrault, le directeur des programmes de la chaîne, m'avait dit de peut-être garder ça encore un petit peu secret, mais on va viser le 17h en quotidien. Parfait, très bon créneau. Merci Didier Varro. Ah bah, dis donc. Je suis désolé, c'est comme ça qu'on l'apprend. Et en plus, j'ai déjà le pilote de l'émission, la première. On l'écoute un petit peu. Salut à tous, bienvenue dans Rockin' Jean-Paul, salut JP. Salut, salut à toi, salut aux auditeurs aussi. Aujourd'hui, JP, vous avez choisi de prendre ce qu'il y a de mieux en matière de rock. Oui, bien sûr, oui, je vous ai déniché des véritables pépites, ce qui fait danser dans les balles. Et c'est ta spécialité, les balles Huchon. Excellent, excellent, c'est une émission où on rira beaucoup. Évidemment, beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes JP? Du lourd, aujourd'hui je suis tombé sur un certain Chuck Berry, oui. Le frère de Richard Berry, je pense. Et puis on écoutera le petit Richard. Le petit Richard. Oui, les Américains l'appellent Little Richard. Ah, mais oui. Bon, on est en France, merde. Et pour terminer. La découverte des jeunes qui n'en veulent, The Rolling Stones, des Espagnols certainement. Croyez-moi, ça va cartonner. Eh ben, qui est beau programme, Chuck Berry, le petit Richard et The Rolling Stones. Restez avec nous sur France Inter jusqu'à 18h, Rock and Jean-Paul. Après cette page culturelle, on passe à l'international avec la Turquie. Oui, dans la nuit de samedi à dimanche, la Turquie est enfin passée à l'heure d'hiver. Avec 2 semaines de retard, le gouvernement avait repoussé le passage à l'heure d'hiver pour inciter les citoyens à voter. Et Erdogan a en plus remporté l'élection. Alors pour avoir une chance de gagner les prochaines élections, les socialistes envisagent d'annuler le passage à l'heure d'hiver jusqu'en mai 2022. Voilà. Et Média, le Figaro. Oui, non, c'est à vous. C'est à vous. Oui. Ah oui, Média, oui, c'est moi, le Figaro. La rédaction s'émeut des 11 pages consacrées au marathon de son rédacteur en chef. Et oui, Charline, 11 pages de photos et d'interviews du rédacteur rédacteur en chef lui-même. Il a bouclé le marathon de New York en 4h30, soit deux fois plus que le gagnant. Je trouve ça scandaleux qu'on profite d'un média pour faire sa propre pub. Voilà. Oui, c'est comme si je disais que vous êtes tous les dimanches et lundis au studio des Champs-Élysées avec votre excellent spectacle. Vous trouverez ça scandaleux. Bah oui, à 20h30, je trouverais ça scandaleux. Voilà. J'apprécie votre indépendance journalistique. C'est jusque fin décembre. Voilà. Et on termine par cette information du Courrier Picard. Oui, Calais, insulté par une automobiliste, il fait l'hélicoptère avec son sexe. Ouais. Alors voilà, j'ai des infos, apparemment, il n'aurait pas décollé. Nous sommes en compagnie de Didier Bénureau. Je sais pas, nous c'est le Courrier Picard. Hein. Oui, on lit toute la presse. Et puis évidemment, alors, premier sujet avec vous, Didier Bénureau. Ce matin, Emmanuel Macron a présenté un nouveau projet. Et là, on se dit au secours. Son plan pour développer de nouvelles opportunités économiques. Il veut encourager l'auto-entreprise pour cesser de rêver du statut de fonctionnaire et prendre enfin des risques. Hey les jeunes, ne laissez pas filer les opportunités. C'est un chant. Crypto-communiste. Les cochons dans l'espace pourraient le jouer, ça. Et alors, c'est donc ce projet Nouvelles Opportunités Économiques, à Bercy, ils ont appelé ça Noé. Comme ça, ça augure de très bonnes choses pour le projet. C'est son comique à Bercy, quand même. Alors, donc, je me dis, Macron qui propose de se lancer dans la micro-entreprise et du numérique. Mais c'est aussi le numérique qui ravage l'emploi. Alors, c'est bouffer ou se faire bouffer. Didier Bénureau, vous voyez ça comme une forme de droite de la gauche Ah oui, c'est la gauche de droite, ça. De la gauche de droite. Vous l'appelez comme ça. Je le note parce que c'est bien, c'est la gauche de droite. Oui, c'est la gauche de droite. Oui. J'ai même fait une chanson là-dessus qui s'appelle « La gauche flottante ». Ah. Oui, gauche en mouvement, un pas à gauche, trois pas sur la droite. On y reviendra. On y reviendra à la gauche flottante. Vous allez pouvoir nous la jouer. Mais en fait, cette histoire de micro-entreprise, moi j'ai cru comprendre que ça concerne des petits boulots, bien souvent. Et en fait, c'est comme le travail au noir, c'est-à-dire il n'y a aucune sécurité d'emploi, il n'y a pas de congé, il n'y a rien du tout. C'est comme le travail au noir, mais avec les charges en plus. Enfin, les charges en moins. C'est un peu le même statut. Et puis, il y a ce plaisir de dire, attention, je suis entrepreneur. Oui, bouf, ça, vu la paye, à la fin du mois, on se dit, bof, oui. Finalement, c'était mieux. Peut-être mieux quand je suis salarié. Mais en plus, j'ai vu un documentaire sur Ryanair où, avec les pilotes qui sont auto-entrepreneurs. Et visiblement, ils gagnent beaucoup moins que ceux qui sont... Donc, en fait, je ne sais pas qui gagne à part les entreprises qui emploient. C'est une façon de payer le moins cher possible gens, en fait. C'est ce que j'ai compris. Mais je pense que vous n'êtes pas loin. D'après des professeurs à Oxford, d'ailleurs, c'est écrit dans Libération, 47% des emplois sont menacés par la numérisation, comme comptables, vendeurs, secrétaires ou même pilotes, d'ailleurs. Bref, ceux qui sont emblématiques de notre représentation du monde du travail. Bercy estime que le salariat est dépassé. Le mouvement de salarisation de la société s'est arrêté depuis le début des années 2000. Mmh. Je vous disais, vous, Didier Bérénureau, vous êtes une sorte de... Vous êtes votre patron, quoi. Vous êtes une micro-entreprise. Vous prenez des risques, vous êtes indépendant. Oui, c'est vrai, je prends des risques. J'y pense pas, en fait. Puisque je me produis sur scène, je prends des risques. Tout le monde n'a pas cette capacité à s'autogérer, finalement. Mais l'idée n'était pas de prendre des risques. L'idée était surtout d'être libre et d'organiser le spectacle comme je l'entendais, comme je l'entends, et de travailler avec qui je veux, avec qui je voulais. Décidément, j'arrive plus à conjuguer mes verbes. Est-ce que vous avez fait des petits boulots avant d'être comédien? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme petit boulot? J'ai fait les cantines scolaires. Ouf. J'ai été moniteur, j'étais directeur de centre aéré. Ah oui. J'ai été enfant de cœur, mais c'était pas payé. Vous n'avez pas payé votre personne en tant qu'enfant Comment? De cœur. Vous n'avez pas payé de votre personne en tant qu'enfant de cœur. Je même vois là où vous voulez m'entraîner, mais je n'irai pas. Mais nous sommes belges. Hein, chez nous, c'est autorisé. Hein. Voilà, c'est le petit boulot. Voilà, c'est. Voilà. Et je suis dans une usine aussi, j'ai travaillé. Bon, pour grand intérêt. Le gros boulot du jour, c'est qu'à partir de demain, vous êtes au Théâtre du Rond-Point, oui. Didier Bénureau et Des Cochons, avec Des Cochons dans l'espace, le groupe de rock, rock, musique, Mélanie Bauer. Oh, flotte transition. Voilà. Et il y a un rapport avec maintenant. Didier Bénureau. Et oui, Les Cochons dans l'espace, c'est un vieux groupe. Ça fait des années qu'il tourne ce groupe, Didier Absolument. Bénureau. Absolument, c'est vrai. Alors pour vous, le mot du jour, c'est ukulélé, parce que vous en jouez très bien. J'étais très impressionnée. Oh. Orossi. J'en joue. Ah oui, vous en jouez très bien. Alors, petit rappel rapide, ce sont les Portugais qui débarquent en 1879 à Hawaï avec leur cavaquinho, une petite guitare à quatre cordes qui sera très vite adoptée et détournée pour devenir le ukulélé, instrument plus tard récupéré par les Américains début des années 20 avant de devenir universel. Aujourd'hui, il existe un nombre impressionnant d'orchestres de ukulélé, notamment le très fameux ukulélé, me regardez pas comme ça, je vous promets, Ukulélé Orchestra of Great Britain qui fête ses 30 ans d'existence cette année. 8 ukulélés, 16 mains, 33 cordes, un orchestre du symphonique quoi. Oui, c'est gigantesque, qui mélange virtuosité et humour car c'est un instrument rigolo. Annie aime les sucettes la nuit, les sucettes Annie, Annie, on a ses baisers. Oui, ils sont anglais. Ah, là, voilà. Mais qui c'est? Ça, c'est toujours le ukulélé Orchestra of Great Britain. Évidemment, c'est bien de lui, je pensais. Une reprise de... De France. Ça, je connais, Bravo. Ce petit instrument a ses records. Le record du monde de musiciens jouant simultanément de l'instrument est détenu par les Tahitiens, 4750 personnes. Ils battent cette année à plate couture les Anglais qui avaient réussi à en jouer à 2370 l'année dernière. Il y a aussi des virtuoses. Par exemple, Jimi Hendrix du ukulélé, l'Américain né à Honolulu, Jake Shimabukuro, qui s'est fait connaître via le net avec cette reprise des Beatles, accompagné ici à la guitare. Ah, c'est vrai, la guitare. Ukulélé et guitare. Cathy Whips. C'est impressionnant. Ah oui. Très impressionnant. Alors vous me direz, on fait que des reprises au ukulélé, que nenni. Le ukulélé est aussi un instrument pour composer, comme l'explique la chanteuse américaine Megan About the Bass, vous la connaissez ? Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Alors Megan Trainor, elle a composé la chanson du film Snoopy tout au ukulélé. Et franchement, ça casse pas quatre cordes. Hein. C'est pas génial. Enfin, il y a un grand artiste qui exploite merveilleusement cet instrument, c'est Zach Condon avec son groupe Beyrouth, dont le dernier album No est sorti en septembre dernier. Pour la petite histoire, ce serait parce qu'il n'arrive pas à jouer de la guitare avec ses petits bras. Il en a un plus court que l'autre, qu'il joue du ukulélé. Ici, c'est un extrait de son premier album en 2005 et le titre Elephant Gun. If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a Beyrouth, donc, avec Elephant Gun. Et puis il y a vous, Didier Benureau. On vous a demandé de venir avec un ukulélé. Comme vous avez beaucoup d'humour, vous avez emmené une petite guitare. J'ai ramené une guitare d'enfant. Voilà. Mais ce n'est pas un ukulélé, parce que avec mon ukulélé, je chante une chanson catholique. Oui. En souvenir de mon adolescence. Avec un prêtre polonais. Belle histoire d'amour, a priori. Oui. Le ukulélé non, qui est d'amitié, sur la fiche. D'amitié. Et là, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Et là, en fait, à propos de la gauche de droite, j'ai imaginé un personnage qui se revendiquait de la gauche flottante. C'est-à-dire qu'il suit les courants ascendants et... Il suit, parle de la gauche qui bouge, la gauche en mouvement, un pas à droite, un pas à gauche, trois pas à droite. et la gauche, parce que au début du spectacle, je parle aux Grecs, je prends le public pour des Grecs, et je leur explique ce qui leur arrive, est très très Et très bien qu'il faut prendre ça avec un sourire. Et qu'il faut surtout rejoindre la gauche flottante. Mais oui, parce que la gauche flottante, elle donne, ça fait confiance aux banquiers. Les banquiers ont confiance dans la gauche flottante. La gauche qui s'adapte au marché. Un, deux, voilà. Trois, quatre. Alors c'est un bobo de la gauche flottante. Moi je suis de la gauche flottante, de la gauche hésitante, de plus en plus complaisante. Gauche sans idéal, attirée par les étoiles, néolibérale. Dans le 17e j'aime tous les gens, je tutoie tous les commerçants. Je fais la bise à mon poissonnier, je fume du shit chez mon dentiste. Avec mes gauches, je me sens largué. J'ai jamais eu d'autorité. Les nénas n'arrêtent pas de me gifler. Le petit dernier me donne des coups de pied. Ils sont pourtant hyper cadrés. Dans la meilleure école privée. Pour devenir de vrais guerriers de la finance décomplexée. Et se faire du fric en restant chic. Moi je suis de la gauche, je tente de la gauche, hésitante, de plus en plus complaisante. Gauche sans idéal, attirée par les étoiles, néolibérale. Je viens de la gauche et je tourne à droite. J'ai des scrupules, faudrait que je recule. J'y vois plus clair, j'ai plus de repères. Je pourrais voter Bruno Le Maire. Le samedi soir, je vois des amis dans de grands appartements tout blancs qui ont comme moi beaucoup d'argent. On picole en philosophant, on dit du mal des Allemands. On se prend le bec sur les Grecs. Il a pas de cœur Jean-Claude Juncker. Puis on s'étripe sur les migrants. On boit surtout vachement de vin blanc. Moi je suis de la gauche dansante, de droite à gauche, je me balance au gré de la tendance. Gauche sans idéal, attirée par les mirages du grand capital. Vous voulez la suite? Bravo, Didier Guénureau. Un petit côté Souchon-Boulzy. C'est très bien, c'est une très bonne référence. Merci. Comme par hasard, les étoiles, tout ça. Didier Guénureau et des cochons, théâtre du Rond-Point, à partir de demain jusqu'au 6 décembre. Merci. Alors, ça peut être l'hymne. Didier Guénureau, le chanteur qu'on reçoit. Le chanteur, le crooner. Eh oui. Croon aussi. Je croon avec une voix de merde. Je fais un chanteur lyrique à faune et je chante Fly Me to the Moon. Le crooner du reportage. Il s'appelle Guillaume Meurice. Il traque aussi la gauche flottante, mais pas que. Aujourd'hui, dans le moment Meurice, qu'est-ce que vous proposez, Guillaume? Alors aujourd'hui, reportage très difficile, très tendu, en terrain hostile, puisque je me suis rendu hier à l'événement Vidéo City qui avait lieu à Paris et qui réunissait toutes les stars des vidéos sur Internet. J'ai donc assisté à un choc des générations d'une violence extrême qui m'ont rappelé ces vers de Verlaine. Hélas, je n'étais pas fait pour cette haine et pour ce mépris plus fort que moi que j'ai. Mais pourquoi m'avoir fait cet agneau sans haine? Et pourquoi m'avoir fait ce cœur outragé? C'est beau. C'est pas de moi, hein, c'est Verlaine, bien évidemment. Mais c'est bien dit. Je vous résume la situation dramatique. D'un côté, des adolescents en effervescence. De l'autre côté, des parents en déliquescence. Je vous propose de me suivre au cœur même de l'affrontement. Pour vous donner une idée de l'ambiance, voici ce qui peut se passer quand on interroge une adolescente. Je suis venue pour les voir et pour... Enfin, Tony Life. Pardon, désolé. Je suis désolée. Mais qui c'est, Tony Life? Tony Life, c'est un youtubeur que j'adore. Enfin, un biner. Enfin, j'ai choqué, pardon. Qu'est-ce qu'il a de spécial, celui que vous venez de voir, alors? Il me fait trop rire. Je regarde ses stories sur Snapchat. Il me fait trop rire. Mais je pensais pas qu'il allait être là. J'avais pas vu qu'il était annoncé. Du coup, c'est vrai que ça m'a fait un petit choc de le voir. C'est sympa. Voilà, c'est effectivement sympa. C'est sympa quand tu as 13 ans et que tu sais qui est Tony Life et que tu regardes ses stories sur Snapchat. Mais quand tu as 58 ans, que tu t'appelles Michel et que tu es là pour accompagner ta fille de 13 ans, ben c'est tout de suite vachement moins sympa. Non, je pense que c'est le pire dimanche de l'année, mais bon. Ah oui. Non, c'est pas intéressant pour moi. Bah, après. Est-ce que vous allez vous venger en l'amenant au salon du camping-car? Non, pas, c'est pas mon truc. Mais je l'amènerai à Vincennes, ouais, à l'hippodrome. Et c'était à craindre. On appelle ça l'escalade de la violence, le tourbillon infernal de la vengeance. Michel emmènera sa fille claquer tout son argent de poche au PMU. On connaît la suite. Sa fille répondra en exigeant un concert de Kenji Girac, voire pire, un spectacle de Kev Adams. Hein. Je vous rappelle que nous sommes au cœur d'un conflit qui ne connaît aucune limite. Je vous rappelle aussi qu'un spectacle de Kev Adams est considéré comme une arme de guerre hein, par la Convention de Genève, que les chansons de Kenji Girac sont utilisées à Guantanamo pour torturer. Une véritable guerre psychologique est donc en marche. Et au niveau du mental, on va pas se mentir, hier, pour les parents, ça allait pas super fort. On est un petit peu au bout de notre vie, là. On attend, on fait la queue. J'espère qu'on sera récompensé quand on sera vieux, qu'ils viendront nous voir, tout ça. On manquera pas de leur rappeler cette journée, cette grande journée. Ouais, beaucoup de rancœur, beaucoup de frustration accumulée hein, qui font monter la tension d'un cran. Et toujours ce silence assourdissant de la part de Bernard-Henri Lévy. Lui, pourtant, si prompt à prendre l'avion pour parcourir le monde. Hein. Bon, en même temps, il vit avec Ariel Dombal. Hein. On peut comprendre cette volonté de fuite. On est humain. Humain, tout comme ses parents, au regard vide, perdu. Leur corps affalé sur le sol, un morceau de sandwich à la main, victime expiatoire d'une véritable tragédie, on peut même parler de quoi? Je pense qu'on peut parler de maltraitance des parents. Oui, c'est vrai, c'est violent là, à ce point-là. Oui, non, c'est vraiment affolant, oui. Alors moi, à l'époque, c'était Trust, c'était des gens comme ça. Ouais. Ah oui, là, c'est une autre ambiance. ACDC, etc. Ah oui, là, c'est plutôt des blogueuses beauté, donc oui. Ah oui, mais moi, il n'y avait pas de blogueuses à l'époque. Il n'y avait que des blagueuses. Aïe, c'était à craindre. Un père de famille qui craque, littéralement, à base de jeux de mots pourris. Un réflexe classique, hein, post-traumatique. Une personne qui tente d'assassiner symboliquement Raymond DeVos. Certainement une de ses idoles de jeunesse également. Terrible, terrible. Le pire était donc à craindre hier après-midi. Et le pire est arrivé avec l'entrée en scène du célèbre Norman devant une foule d'ados en délire et un grand-père dont voici la réaction. J'ai découvert que Norman maintenant faisait de la chanson, c'est vrai que ça m'a mis la chair de poule quand je l'ai vu monter. À ce point-là? Ouais, franchement, ouais, je sais pas, c'est de vivre comme ça, du direct live comme disent les jeunes, ça m'a un peu ému, ouais, franchement, ouais, je suis assez... Je sais pas, c'est la quatrième dimension, je ne me voyais pas être ici aujourd'hui, très honnêtement. Voilà, très dur, hein, cas extrême de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Pensée très émue pour ce brave homme qui doit nous écouter de sa chambre de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne. Mais terminons tout de même avec une note d'espoir. Oui, l'humanité peut s'adapter, même aux pires situations. Un père de famille a même réussi à tirer parti de ce drame. Bon, il y a des belles jeunes filles aussi. Et comment elle s'appelle, la blonde qui a fait danser avec les stars, là? Celle-là, elle vous plaît bien? Ah ouais, ouais, ouais. Vous regardez souvent ces vidéos? Non, bah, de temps en temps, je jette un œil. Oui, jette un œil. Peut-être un petit peu vicelard, mais je vais vous dire, en tant qu'observateur indépendant du conflit, je conseille à tous les parents de jeter un œil sur cette nouvelle génération qui a des choses intéressantes à montrer. Et je conseille également aux adolescents d'aller écouter Trust, ACDC, Raymond DeVos, lire Verlaine et son copain Rimbaud qui disait « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Ce à quoi j'ajouterais « Ce serait bien dommage de le devenir après ». Merci Guillaume Meurice. J'ai lu dans la presse que l'entrée c'était 35 euros le week-end. Et 20 euros la semaine. Si vous séchez les cours, si vous séchez les cours, c'est 20 euros. Puis si vous attendez le week-end, bon, c'est cher quand même pour pour des vidéos gratuites sur le net. Mais écoutez, moi je ne sais pas ce que ça représente. Vous êtes sur France Inter. L'occasion de rencontrer Tonio Life. Bah, bien sûr. Et ça, quelque part, si vous pouviez rencontrer Claire Chazal et Christine O'Crène, vous les payeriez peut-être ces 35 euros, vos idoles de jeunesse, journalisme. C'est ça. En même temps, c'est intéressant comme phénomène d'incarnation du virtuel. C'est beau. Bah oui, parce qu'ils reviennent à ce que nous on a tous vécu avant, quoi. Finalement, ils veulent les voir en vrai, quoi. Voilà. Et voilà. Intervention de Samir Bouadi, voilà. En compagnie aussi de Mélanie Boer, évidemment Alex Vizorek, faut-il le rappeler, et Didier Benuro, qui est avec nous jusqu'à 18h. On va aborder avec vous le deuxième sujet. Nicolas Sarkozy a regretté l'absence d'interpellation après la visite de Manuel Valls à Moirans, en Isère. La question de l'autorité de l'État se pose à nouveau en ce moment. Et si même Manuel Valls est accusé de laxisme, alors là, jusqu'où ira-t-on, hein, jusqu'à envoyer Poutine à Moirans? Alors voici comment Sarkozy, lui, aurait géré le dossier. Écoutez-moi bien. Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Voilà. Alors, dans ce pays, il semble y avoir une course à qui incarnera le mieux l'autorité. Et donc là, on a un duel entre Sarkozy et Valls qui a quand même incarne le plus l'autorité. C'est valorisé, ça, quand même, l'autorité dans ce pays. Je ne sais pas ce que c'est, bien, l'autorité d'État. On a surtout l'impression que c'est l'autorité de Sarkozy sur le ministère de la Justice. Mm-hmm. Et en fait, il reproche à Valls de ne pas être intervenu. Oui, exactement. Oui, ce qui est quand même un comble. Où il y a eu donc des émeutes impliquant des gens du voyage, c'était en Isère. Et donc, Manuel Valls est allé réaffirmer, parce qu'on fait ça, hein, c'est « je viens réaffirmer l'autorité de l'État ». Mais vous avez mis le détail, quand on a vu, il n'y a pas très longtemps, il a son ministre de l'Intérieur qui a été condamné pour avoir piqué dans la caisse, je crois. Il me semble, qui s'appelle Claude Guéant. Oui. Ah, exact. Il a été condamné. C'est d'ailleurs très, très Guéant. Moi, je trouve que l'autorité de l'État n'a pas été tellement respectée, parce qu'il a une toute petite peine, il a une amende. Oui. Alors, les émeutiers, ils auront quoi? Parce que c'est rien, un émeutier, par rapport à un ministre de l'Intérieur qui prend de l'argent. Dans la caisse, c'est énorme. Non, mais c'est passionné de tableaux. Ça n'a rien à voir, c'est une histoire de tableaux. Ah non, ça, il y a les tableaux en plus. Ah oui, ça, c'est autre chose. Ah, non, là, il s'agit de 200 000 euros. Moi, c'était l'affaire écouté. Des primes en liquide, effectivement. Oui. Alors là, l'autorité de l'État, alors. Alors, c'est amusant ce duel parce que justement, Valls va sur le terrain pour réaffirmer l'autorité de l'État. Mais s'il y a bien un mec qui avait inventé le concept, c'est quand même Sarkozy. Donc, est-ce que finalement, c'est normal que lui connaisse les ficelles pour torpiller l'autre? Ils se ressemblent un peu, finalement. Ils se ressemblent un peu, oui. Ah oui, ils ont un tempérament qui est... Mais il y en a un qui est plus verdâtre, qui vieillit mal. On a l'impression qu'il me fait penser au petit homme vert dans Astérix. Tullius Détritus. Exact. J'ai cherché son nom. C'est exactement ça, le petit homme vert. Et les gens autour de lui s'engueulent systématiquement dès qu'il apparaît. Oui, il est génial. Sarkozy devient un peu comme ça. Oui. Alors récemment, il a proposé plus d'autorité et de permettre, par exemple, aux employés d'autoroute, Nicolas Sarkozy, de constater les infractions liées à la vitesse. Comme ça, on peut le dire à l'autorité de police. C'est presque de la délation. Vous avez vu qu'à la fin de l'article, il dit qu'il veut supprimer le juge d'application des peines. Alors, il voulait déjà supprimer le juge d'instruction. En fait, il veut supprimer tous les juges. Voilà, et moi, je me souviens que dans un discours, il voulait juger les enfants en fonction de leur taille. Mais oui, dans un discours... Oui, parce qu'il trouvait anormal. Il disait des enfants de 14 ans qui mesurent 1m80 n'ont pas à être jugés par un juge pour enfants. C'est scandaleux. Il mesure 1m80, il pèse 80 kilos, c'est pas normal qu'il soit jugé par un juge pour enfants. Et alors donc, je me dis peut-être que lui espère... Être jugé pour un juge pour enfants. Ah oui. Par un juge pour enfants, peut-être, parce qu'il est tout petit. C'était l'éditorial de Didier Benureau qui est pertinent. Ouais. Merci Didier Benureau. Samir Bouadi, oui. À cette heure-ci. Eh ben, on va parler encore d'un petit bonhomme, si vous voulez bien. Avec plaisir. Lequel? Ben, lui, il a beaucoup de talent, il s'appelle Mathieu Balbuena. Ça vous dit quelque chose? Alors, vous connaissez. Il joue avec des talonnettes ou pas? Non, ça, avec des pointes. Alors. Mais vous connaissez peut-être pas le joueur, mais j'imagine que vous connaissez maintenant l'acteur, réalisateur de films pour adultes. De consentant et en couple. Alors, petit rappel des faits pour faire bref, comme le réalisateur amateur footballeur professionnel est donc victime d'un chantage odieux à la sextape. Hein. Alors, en gros, des petites frappes lui ont réclamé de la thune en échange de la non-diffusion d'un film trouvé on ne sait pas où et par on ne sait pas qui hein, sur un de ses anciens téléphones portables. Mal leur en a appris puisque Mathieu Valbuena a décidé de porter plainte. Ah la vache! Ah, l'histoire de dingue. Et c'est pas fini, les copains, c'est pas fini. Dernier rebondissement incroyable en date, la mise en examen d'un autre joueur de foot et pas le plus mauvais. La star du Real de Madrid, Karim Benzema, dont le frère serait proche des malfrats en question et qui aurait fait l'intermédiaire dans cette affaire. On n'y comprend rien, vous me direz. On n'en a rien à foutre de cette histoire, franchement. Hein. Même si on aime bien les trucs crades autour de cette table, je sais bien. Non, parce que des joueurs de foot qui fréquentent des voyous, c'est pas rare. Non, ce qui serait rare, c'est de voir, par exemple, des gamins de Neuilly ou de Passy hein, devenir des stars du ballon rond. Hein. Non, il y a une sociologie du foot, hein, comme il y a une sociologie du golf, du tennis, de l'escrime, de la fellation en milieu aquatique aussi. Hein. Non. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la manière dont on traite ce joueur, Valbuena, et ceci depuis le début de sa magnifique carrière. Valbuena a le tort d'être tout petit. Tout petit. Alors là, il est tout petit. Ça pose un vrai problème. Voilà tout. 10 centimètres de plus et son destin eût été tout autre. Le nez de Cléopâtre, quoi, mes copains. Faut le voir pour le croire. Mais des gens s'amusent à échanger via les réseaux sociaux des photos de nains habillés en string en cuir avec pour légende des trucs du style « Il est où Valbuena sur la photo ?» Ah vache, qu'est-ce qu'on se marre. Ça fait rire Alex quand même. Moi j'aime assez bien. C'est gros. Mais je sais que t'aimes bien. Je voudrais aller voir ces photos. Ouais, mais, non, mais Messi n'est pas très grand et c'est le meilleur joueur du monde. Absolument. C'est vrai. Enfin, il est un peu plus grand Messi. Hein. Non mais tu vois, Guillaume, pour info, il n'y a pas que certains élus du FN pour s'amuser avec des clichés débiles. Hein. Tu vois, les singes, ben, ils sont partout, finalement. Bref, Valbuena est un bouc émissaire. Il est riche, jeune, très doué, mais il est tout petit, tout petit, tout petit. Alors, on rigole, et on le charrie, et on le menace. Alors, à l'heure où on parle beaucoup d'harcèlement à l'école, son cas mérite d'être débattu. Hein. Il est depuis toujours celui qui fait ricaner, et ce ricanement-là fait froid dans le dos, franchement. Un rire diabolique, froid, qui fait office d'hymne à la méchanceté glaciale des grands qui, sans pitié, écrasent et humilient. On imagine le petit Valbuena, il y a quelques années, seul dans son lit à l'heure du bilan, quand la journée est un film sépia qu'on se repasse en se reprochant de n'avoir pas résisté. Les salauds vous rendent lâches, c'est ça, leur plus grand des méfaits, c'est tout. Heureusement, comme dans les contes de fées, le petit Valbuena a dit non. Il a travaillé plus dur que les autres, il s'est battu, il a contredit l'évidence et torturé à sa façon la logique de ceux qu'il voyait déjà nains de jardin, en banlieue de nulle part, cocufiés par la chance. Mais non, il s'est fait une vie d'homme debout grâce à ses tout petits pieds, ses toutes petites jambes qui vont si vite et ses petits coups d'œil qui voient si bien le jeu. On pourrait dire que Valbuena a gagné, mais pas vraiment, parce qu'on le lâche pas. On continue de se foutre de sa gueule et on continuera longtemps parce qu'un bouc émissaire n'a pas le droit d'échapper à l'abattoir. Il est là, il est fait pour le couteau, c'est ontologique, c'est tout. René Girard, mes amis, René Girard, le philosophe académicien, auteur du célèbre bouc émissaire, mort récemment, avait théorisé sur la violence originelle et fondatrice de toute structure sociale. Il a aussi parler de désir mimétique, du besoin de désirer ce que l'autre désire. Alors on n'a pas tout compris, hein, mes amis, faut être honnête. Mais en gros, c'est une histoire de jalousie, de désir, de sang et de sacrifice, un peu comme dans Shakespeare, comme dans Le Parrain, comme dans Plus belle la vie, quoi. René Girard a écrit, je le cite, « La violence inassouvie cherche et finit toujours par trouver une victime de rechange. Bonne nouvelle pour Valbuena, qui mériterait vraiment qu'on lui lâche les cornes. » Samir Wadi. Eh oui, mais c'est... Bah, un très bon avocat pour... Ah, voilà. Je l'aime bien, mon Valbuena. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il est un petit peu con-con, quand même? Oui, bah, comme un petit peu. Allez, bon, on rappelle qu'on ne se filme pas pendant l'acte. Mais du coup, il va plus jouer. Il jouera plus. Ça va être compliqué en équipe de France, en tous les cas. Mais il a encore marqué ce week-end. Et puis, il a fait un match magnifique hier soir. Magnifique. Troisième sujet, Didier Bénureau, avec vous. Oui. Un sujet important de société, de culture. Vous brûliez d'avoir des nouvelles d'Adrien Schmuck, très certainement. Eh bien, il joue dans une série de TF1. Excusez-moi, ça m'échappe. Alors qu'il était récurrent dans Plus belle la vie, il a joué dans une douzaine d'épisodes. Donc la concurrence fait rage. Hein. On va chercher dans Plus belle la vie, hop, un petit jeune qui marche bien pour aller mettre sur TF1. Allons voir comment ça se passe dans les coulisses des séries. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Jonathan Joubert vous fait encore des misères? On voulait juste être les premières à t'annoncer la mort de Jonathan. Et Ryan est un des personnages préférés du public, vous pouvez pas le tuer. Bon, je l'ai rencontré, ton Jonathan, il est encore plus con que mon premier mari. Ça fait 8 ans que je suis sur cette série. Avec mes auteurs, on passe des heures à peaufiner les scénarios. Et lui, il change toute la réplique. Il veut écrire, il veut réaliser, il veut choisir ses partenaires, c'est un enfer. Jonathan va crever, vous pourrez rien y faire. Ryan, ma chérie. Il va crever d'un cancer des testicules. C'est tout ce qu'il mérite pour m'avoir cassé les couilles pendant 8 ans. Un extrait de 10%, la série de France 2. Alors, donc, en ouvrant Le Parisien aujourd'hui en France, ce matin, je vois qu'après une douzaine d'épisodes de Plus belle la vie, Adrien Schmuck, qui joue un Parisien dans Camping Paradis, sur TF1, donc vous conseillez de surtout ne pas regarder, parce que... il vient de Plus belle la vie, et un casteur pour TF1 explique les acteurs de Plus belle la vie apprennent très très vite leurs textes et apprennent très très vite les scènes. Et on apprend aussi dans cet article que Plus belle la vie fait appel à 2500 comédiens depuis sa création. Et comme il doit y avoir à peu près 5000 comédiens en France qui font de la télé ou du cinéma, on a des chances de tomber sur les mêmes. C'est la nouvelle pépinière, Plus belle la vie. Et c'est finalement, est-ce que ça vous semble une bonne école pour apprendre le texte? Oh là, j'ai regardé ça un peu par hasard, je suis tombé dessus. Ah, ça me plaît pas du tout. Ça vous plaît bon, pas après, du tout. Visiblement, ça a du succès, donc bah oui. Tant mieux. Quand vous étiez jeune comédien débutant, parce que c'est un peu aussi vers cela, j'ai jamais vous en été avez fait des jeune. Conneries. Il faut vous l'accepter. En avez fait forcément des conneries. Ah, bah j'en ai fait des conneries. Bah, c'est pour ça que comédien, il n'y a rien à leur reprocher. Ils travaillent dans. En plus, ça a du succès, ils auraient tort de se gêner. Mais c'est marrant parce que c'est. Alors, TF1 profite du succès. Du service public, en fait. Pour venir faire jouer quelques comédiens est-ce donne des sous en espérant les amener. Parce que si c'était l'inverse, imaginons un gros succès TF1, et on prendrait les comédiens de ce succès, dans le service public. En tant que comédien, est-ce que TF1 les laisserait partir gratuitement? C'est une bonne idée. C'est une mais on n'appartient pas à une chaîne en tant que comédien. On est payé pour faire sa journée de travail. Sinon, il n'y a pas de prime d'exclusivité, je serais étonné. Il n'y a pas de transfert comme au foot. Ou alors, ça se paye, oui. Dans les succès, si on peut avoir. Bah, vu le nombre de comédiens qu'il y a dans Plus belle la vie, ça plomberait quand même les finances publiques. Ça, c'est quand même clair. Et puis, il y a évidemment tout le contexte du rachat, peut-être, par TF1 de Plus belle la vie. Ou aussi de. Ça me fait tellement mal. Mais au-delà de ça, de l'agence Capa qui produit aussi des documentaires au long cours. C'est une des rares maisons de production qui met des journalistes parfois un an sur le même sujet, etc., qui pourraient être rachetés par TF1. Dans tout ce contexte-là, est-ce que vous voyez ça d'un œil noir ou pas? Vous en tapez un bleu. Peut-être plutôt bleu. On a l'impression que vous en cognez complètement. Oui, on peut, autour de donc cette TF1 table. TF1 rachète beaucoup de choses. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, en gros. Bon, parce qu'il finalement, rien de neuf sous le soleil. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que s'ils rachètent la boîte de prod, bon, alors ça peut continuer ailleurs ou pas, là, c'est un autre problème. Mais les acteurs en soi, je trouve qu'ils ont droit à leur liberté. Surtout complètement. À mon avis, la journée de tournage sur Plus belle la vie, c'est pas le plus gros cachet qu'ils auront dans leur vie, j'espère. Et, oui. Et là, un gros cachet vous attend. Si vous répondez positivement. Est-ce que vous acceptez de jouer le sketch de fin d'émission avec nous? J'ai un rôle pour vous, comme tous les invités chaque jour. Alors, c'est un rôle de petite fille. On n'est pas loin. Je vous donne le rôle de Valérie Trierweiler parce qu'elle a tweeté cette nuit. Et elle était habillée avec un beau pull où il y avait écrit I'm too sexy for my ex. Et ça a fait jaser, évidemment. Et elle a répondu, elle a renvoyé un tweet. Elle n'a pas d'affolement, pas de mauvaise interprétation. C'était juste une joke de fin de soirée. Elle était donc un dîner entre copines. Et évidemment, on a voulu savoir comment se passait ce dîner entre copines. On s'y rend tout de suite avec toutes les copines de Valérie. Champagne. T'es certaine? C'est la sixième bouteille. Génial, j'adore. Mais oui, fais pas ta rapace. T'as vendu 600 000 bouquins. On peut boire 7 bouteilles de champ. Bon, allez, veuve Cliquot. Oui. Mais pourquoi la veuve Cliquot? Oh, je me sens proche de cette madame Cliquot. Ah bon, pourquoi? Bah, elle est veuve. Donc elle a été abandonnée, comme moi. Génial, j'adore. Valérie, tu couperais pas ton Twitter si on picole? Bah non, j'ai plus fait de conneries depuis 3 bonnes semaines. Allez, c'est l'heure des cadeaux. Oh, des cadeaux. Oui, on a trouvé une super boutique de t-shirts imprimés. Génial, j'adore. Oui. Alors le premier, un beau t-shirt rouge avec écrit... I am socialiste. Wow. Oh, mais c'est pour qui? Mais c'est pour toi, Valoche. Ah bon? Mais oui. Je vois pas le lien. Bon, bah alors on en a un autre. Oh, génial, j'adore. Bah, et dessus, il y a écrit I am a journalist. Oui. Oh, bah là, c'est pour qui? Mais c'est pour toi, Valoche. Ah bon? Mais oui. Mais je vois pas le rapport. Oh. Alors on en a un dernier. Oh, génial, j'adore. Et dessus, il est écrit I am too sexy for my ex. Oh. Ah, ça, je suis sûr que c'est pour moi. Oui. Il est super beau, puis un peu échancré. Oh, trop chouette, t'auras l'air d'avoir 19 ans. Génial, j'adore. Oui. Allez, bon, bah, je l'essaie tout de suite. Oui. Mais tu es canon. Oh là oui, ma biche, tu vas exciter les sans-dents. Ah, bah, même ceux qui en ont, hein. Allez, les filles. Prenez-moi en photo. Oh oui, allez, attention. Allez, voilà. Bah, voilà. Ah, super. Je le tweet. Non. Mais Valérie. Bah, ça y est, je l'ai tweeté. Oh, mais non. Zut. Encore une boulette. Génial, j'adore. À mon avis, ça s'est passé comme ça. Didier Bellureau dans le rôle de Valérie Trierweiler. Mais s'il manque la perruque pour incarner, c'est... Oui. Si on avait su que vous l'auriez mis. Ouais. Ah bah je l'aurais mis volontiers, bien sûr. Vous nous faites regretter. J'ai deux perruques. Appelez-moi l'accessoiriste. Ah, c'est vrai. Ah oui, alors parce qu'il y en a une pour oui, l'évêque. Parce que je joue un... Il y a un travesti. Il y en a une pour l'évêque et puis il y en a une pour le collabo rose. Oh. Celui qui aimait beaucoup les Allemands. Oui. Ah, voilà. Et qui s'est fait tondre à la Libération. Ah. Et donc, du coup, il met une perruque. Mais oui, je comprends mieux. Didier Bénureau et des cochons avec son groupe de rock, Les Cochons dans l'Espace, sur scène au théâtre du Rond-Point. C'est à partir de demain. Et c'est jusqu'à 21h. À 21h et jusqu'au 6 décembre. Didier Bénureau, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était très joyeux. Oui. Vous pouvez réécouter la chanson de Didier Bénureau, notamment en podcast. Il a dit des choses intéressantes. Hein. C'est rare pour nous. Merci à Mélanie Bauer et son ukulélé. Merci Samir Bouadi, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Et voici le mot de la fin, dont je ne me rappelle plus très très bien ce que c'est. Ça doit être un bon mot. Oui, ça doit être en hommage à Macron, je pense. Ça doit être tout ça pour l'entrepreneuriat individuel. Allons-y. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh!